passion. L'élène tout est remé, moi, ce pantalon pas jambes bon m'attirance. Cous yeux tombés dans deux mois, libéré tête, les quatre plis dans le front lit. C'est comme ça nous grandit, et puis la vie a fini loyer nous. Moi pas jambes, moi l'élève, moi pas jambes connais qui ça le devenu. C'est comme ça nous grandit, et puis la vie a fini loyer nous. Moi pas jambes, moi l'élève, moi pas jambes connais qui ça le devenu. Cavalier.